Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Exposants, commerçants, artisans. Donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanal, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photo pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposé à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. De génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 13h32 minutes. Mais voici donc bien l'émission du vendredi jusqu'à 5h avec les chansons souvenirs des années 1900 jusqu'à 50. Et bien voilà, donc bien je vous souhaite bon après-midi et puis on va débuter l'émission avec Yann Dorsey avec La Vendeuse de Chance. Ce soir, tirage de la loterie nationale. Dernier dixième. Tentez votre chance en passant, monsieur. Si je le gardais, le dernier billet, on ne sait jamais, c'est peut-être le bon. Il me suffirait d'un petit million pour lever mon budget. Alors je me paierais des robes pour épater toutes mes amies. Des fourrures comme en ont les snobs, une voiture des sorties. Peut-être qu'il me sourira un jour, ce gros lot toujours en promet. Y a pas de raison que ça soit pas mon tour. Ça fait longtemps que je vends des billets. Je vous jure, si j'avais dans ma poche toute la chance que j'ai distribuée, aujourd'hui je roulerai en carrosse avec servant, avec valet. Monsieur Léon vient chaque soir m'acheter trois nouveaux francs d'espoir. Il me l'a pris le dernier dixième comme à chaque fin de semaine. Pareil, c'est un monsieur sérieux. Tous les soirs, on bavarde un peu. Et je vois bien dans le quartier, il est bien estimé. Souvent quand on parle tous les deux, j'imagine qu'il est amoureux et qu'il me serre entre ses bras. Une chance comme ça, c'est pas pour moi. On m'a pourtant dit que l'amour venait toujours sans vous prévenir. Un jour ou l'autre, ça sera mon tour. Lorsque j'y pense, ça me fait sourire. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon? Ce soir, vous avez l'air joyeux. Vous avez gagné 10 millions. Tant mieux, c'est merveilleux. Mais pourquoi me prenez-vous la main? Qu'est-ce que vous dites? Vous désirez que je sois votre femme? Moi, je veux bien, c'est donc vrai que vous m'aimez. c'est une loterie. La double chance nous a souri. Monsieur Léon, cette fois ça y est, on a toute la vie. On a toute la vie. On a toute la vie. Pour nous aimer. Et puis elle s'appelle Germaine Beria. Mon tour de Java. Le samedi soir, en quittant leur turbin, y a des gens chics qui s'en vont prendre un bain. Ou l'apéro, ou dans le métro, la montre en or d'un monsieur comme il faut. Il y en a qui prennent une loge pour l'opéra, et d'autres pour leur rhume, des pastilles, machin, ska. Dame, chacun prend, selon son rang, quelque chose de chouette, de Nélès à Milorand. Et même l'autre soir, y a un de mes bons potos qui a pris sans le vouloir des totos, des totos. Moi, tous les soirs, à cette heure-là, je fais qu'un saut. Et je prends vivement la petite rue qui est derrière. L'église qui donne sur le boulevard, c'est Basto. Y a un dancing, oui, monsieur, c'est fait faire. Là, le tango et le foxtrot font pas de mise. Les costauds, ils dansent en bras de chemise. On lit son bol de pinard et l'on va comme une rupine faire son tour de Java. Il y a des ménages où l'accord est parfait. Ce que monsieur veut, tout de suite, madame le fait. C'est le paradis, comme je vous le dis, jusqu'au moment où ça chauffe au gourbit. Alors c'est drôle, ça change du tout au tout. Y a plus de ma crotte, ma pépé, mon petit loup. Dans l'escalier, on voit valser la cuvette, le buffet, le saladier. Moi, dès que je vois le petit bout d'un pétard, la colère me prend et dardard. Moi, tous les soirs, à ce heure-là, je fais qu'un saut. Et je prends vivement la petite rue qui est derrière. L'église qui donne cette boulevard, c'est Basto. Y a un dancing, oui, madame, c'est fait faire. Là, le tango et le foxtrot sont pas mises. Les costauds, ils dansent en bras de chemise. On lit son bol de pinard et l'on va comme une rupine faire son tour de Java. Voilà. Une maousse faire son tour de Java. Jean Sablon avec Tennessee Vals. Valse, valse, jolie valse, ta musique me rappelle le ciel rose de mon Tennessee. Dans l'ombrage des villages, sur ta douce ritournelle, je valse et ma belle aussi. Je l'embrasse en dansant et son front rougissant a le goût des violettes d'ici. Valse, valse, jolie valse, prends-moi vite en fleur nouvelle, ma belle et mon Tennessee. Thank you. l'enlace déjà, je la tiens dans mes bras, et mon cœur est déjà loin d'ici. Valse, valse, jolie valse, prends-moi vite aux fleurs nouvelles, ma belle et mon Tennessee. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voici donc René Lulaforgue, le titre « Ça, c'est chouette ». Que c'est chouette de tourner, bien enlacé, on se fait la vie pépère. Oh, ce que c'est chouette, ma poupée, de bécoter ton petit bout de nez. Tiens ton jupon, ma lison, la danse commence. Un coup d'accordéon et le piston donne la cadence. Ton cotillon fait des bons avec éloquence. Et sacré nom de nom, les garçons ont l'œil en vacances. Ah, ce que c'est chouette de tourner. Bien enlacé, on se fait la vie pépère. Ah, ce que c'est chouette, ma poupée, de bécoter ton petit bout de nez. Laisse ton jupon, ma lison, faire des performances. Car où sont les flonflons, sans façon, tous les cœurs balancent. Soyons fripons, Cupidon nous fait des avances. Apprenons sa leçon et mordons à la contredanse. Ah, ce que c'est chouette de tourner. Bien enlacé, on se fait la vie pépère. Ah, ce que c'est chouette, ma poupée, de bécoter ton petit bout de nez. Dis donc, Jojo, tu viens risquer une jambe? Ah, mais t'as qu'à inviter la grosse Margot. Ça fait trois quarts d'heure qu'elle fait manquer. Pauvre monde! Ah, ce que c'est chouette de tourner. Bien enlacé, on se fait la vie pépère. Ah, ce que c'est chouette, ma poupée, de bécoter ton petit bout de nez. De bécoter ton petit bout de nez. Ça s'appelle le Suzy de l'air, je me demande pour la lune. Pourvu que le soleil se lève chaque matin, pourvu que nous gagnions notre pain quotidien, et pourvu que mon cœur. Mon amour, pourvu que j'étais beau, si je doute de moi, pourvu que nos destins soient parsemés de joie, et pourvu que toujours tu aies confiance en moi. Je ne demande pas la lune, je ne demande pas la lune, mon amour. J'ai construit suis ma vie pierre à pierre, patiemment sans rien bousculer. L'ambition ressemble à du lierre qui s'accroche à vous pied à pied. Je fais confiance à mon étoile qui m'a toujours bien dirigée. Comme l'araignée tisse sa toile, je suis mon chemin sans planer. Pourvu que le soleil se lève chaque matin, pourvu que nous gagnions notre pain quotidien, et pourvu que ton cœur ait très envie du mien. Je ne demande pas la lune, je ne demande pas la lune, mon amour. Pourvu que j'étais beau, si je doute de moi, pourvu que nos destins soient parsemés de joie, et pourvu que toujours tu aies confiance en moi. Je ne demande pas la lune, je ne demande pas la lune, mon amour. Avec Joséphine Baker. Chiquette madame de la Martinique, dis-moi je vous en prie, quelle est donc cette musique? Chiquette madame de la Martinique, où allez-vous ainsi dans ce costume typique? Je m'en vais danser, oui, je m'en vais au bal, car c'est aujourd'hui jour de grand carnaval. Trompette et tambour sonnent le branle-bas, et tout le pays va danser la samba. Chiquette madame de la Martinique, si c'est le carnaval, l'occasion est magnifique. Chiquette madame, je vous abandonne tout, je vous prends par le bras et je m'en vais avec vous. Chiquette madame de la Martinique, dites-moi je vous en prie, pourquoi cette air ironique? Chiquette madame de la Martinique, les hommes vous sourient, pourquoi le faire la nique? Les hommes d'ici savent très bien danser, mais beaucoup d'entre eux veulent aussi m'embrasser. Et moi je préfère à tous les gars d'ici mon Martinique qui m'attend au pays. Oh Chiquette madame de la Martinique, ce petit Martiniquais doit être très sympathique. Chiquette madame, car il a bon goût, celui qui va passer toute sa vie avec vous. il a bon goût. Celui qui va passer toute sa vie avec vous. Celui qui va passer toute sa vie avec vous. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et voici Henri Gara dans une tour de valse. Maurice Chevalier, ça fait d'excellents français. Rap-a-da-ba-da-ba, le colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarba, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un coryza agronique. Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac. Rapparabarba, le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Et je vous laisse avec que du jazz.

se perd la tête et sa vertu. Une fleur dans mes cheveux, et les bras nus, et les bras nus. Je vais voir mon amoureux, et rien de plus le soir venu. Et rien de plus, et rien de plus. Je me moque du vent léger sur mes bras nus, sur mes bras nus. Mon amour a des baisers qui sont plus chauds que mon fichu, que mon fichu, mon petit fichu que j'ai perdu. Donc avant de continuer les chansons avec Germaine Lise, son titre, mon petit kaki, et bien un petit coucou, et puis bonjour à dame tout simplement, que mardi, ben, m'a gentiment téléphoné, m'a dit que les chansons sont très bien. Donc bien, si elle écoute, et bien un petit coucou. Et bien on continue les chansons donc avec Germaine Lise. Je me suis montrée brave sur le quai de la gare quand t'es partie. C'est que dans ces heures graves, il faut que la femme soit forte aussi. Pourtant j'avais bien de la peine, et quand le train a démarré, je n'avais plus de sang dans les veines, mais j'ai cramé pour ne pas pleurer. Mon petit kaki, mon grand chéri, ta petite femme sera bien sage. Elle pense à toi, et c'est pourquoi elle t'en aime encore davantage. Elle tiendra le coup, et jusqu'au bout, car pour avoir du courage, elle a ta photo sur son cœur jour et nuit. Mon chéri, mon petit kaki, je lis et relis tes lettres au point que je les sais par cœur. Sans savoir où tu peux être, ma pensée hante ton secteur. Surtout n'aie pas d'inquiétude, mon sort vois-tu compte fort peu. Je supporte ma solitude, c'est ma façon d'aller au feu. Mon petit kaki, mon grand chéri, toi si douilleux de nature, si délicat, maintenant te v'là obligé de vivre à la dure. N'attrape pas froid et promets-moi de ne pas quitter ta ceinture. Je mettrai un tricot dans ton prochain colis. Mon chéri, mon petit kaki, on vit de beaux jours ensemble, mais on ne sait pas en profiter. Quand pour son amour on tremble, on se rend compte de ce qu'on a quitté. On regrette les petites colères, les mots méchants ou insensés. On voudrait revenir en arrière afin de pouvoir tout recommencer. Mon petit kaki, mon grand chéri, après toutes ces misères, je te promets d'être à jamais l'épouse la plus exemplaire. Oui, tu verras comme on s'aimera quand tu reviendras de la guerre. On sera le meilleur ménage de tout Paris. Mon chéri, mon petit kaki. Jean-Constantin, le cacao. cacao, le bon cacao, se cueille au dos des coteaux, tantôt en bas et tantôt en haut. Quoi c'est qu'on voit, c'est du cacao, de Mexico à Porto Rico. Qu'il fasse pas beau ou qu'il fasse très beau, qu'on habite bas ou qu'on habite haut, quoi c'est qu'on boit, c'est du cacao. Les femmes là-bas, quand elles vont au bois, ont tout au bras le cacaba, cacaba, cacaba, cacaba plein jusqu'au ras. Les petits pois qui font le chocolat que tout le monde là-bas, même si ça ne rime pas, appelle le cacao, le bon cacao. Qu'on cueille au dos des coteaux, tantôt en bas et tantôt en haut. Qu'il fasse très froid ou qu'il fasse très chaud. Ce qui est beau dans le cacao, c'est qu'il paie tout, même les impôts. Quand on a bu son bon cacao, on trouve tout beau, même les impôts. Et les baisers vanillés que les Vénus du Venezuela font déguster sentent le chocolat, même si à ce moment-là vous auriez préféré des œufs sur le plat ou n'importe quoi, mais surtout pas le cacao, le bon cacao. Le cacao, le bon cacao. Le cacao, le bon cacao. Le cacao, le bon cacao. Le bon cacao, le bon cacao. Le cacao, le bon cacao. Oh, y'a bon cacao. Le bon cacao. Cacao, cacao, cacao. Le cacao, cacao, cacao, cacao. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici, il s'appelle Philippe Clay, son titre « Il était une fois la vie ». Un homme rêve et se promène, le jour se lève sur la Seine. Passe une femme en tailleur gris, qui flâne sur le pont Marie. Il ne voit d'elle qu'un profil, la courbe d'un poignet fragile. Quand d'un geste banal et doux, elle retient ses cheveux fous. Le film s'appelle Il était une fois la vie. Je l'ai vu mais j'ai rien compris. Passez-le-moi au ralenti. Il est parti la retrouver tout près d'ici dans un café. Et elle est là à l'intérieur, elle a déjà regardé l'heure. ce n'est qu'une ombre qu'il devine sur la banquette en moleskine. Elle est assise à contre-jour, il pousse la porte à tambour. Le film s'appelle Il était une fois la vie. Je l'ai vu mais j'ai rien compris. Passez de moi au ralenti. D'un même pas, il se promène au cœur de la fête foraine. Les yeux fermés, heureux et fous, ils sont montés sur la grande roue. Elle est là-haut dans la nacelle, ils montent doucement. Elle est déjà redescendue. Le film s'appelle Il était une fois la vie. Je l'ai vu mais j'ai rien compris. Passez de moi au ralenti. Le film s'appelle Il était une fois la vie. Je l'ai vu mais j'ai rien compris. Passez de moi au ralenti. Passez de moi au ralenti. Et elle s'appelle Mathé Altéri avec Rose de Picardie. Voici, elle s'appelle Katharina Valente, son titre Casanova. Mini mini cicci, mini mini cicci, mini mini cicci, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, ue di cicci, ue di cicci, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, vien, vien, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, che fai di cicci, che fai di cicci, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, vien. Je sais que ton cœur chaque nuit, chaque jour meurt sans fin. Je sais que tu brises le nom des amours dans tes mains. Casanova, Casanova, où es-tu? Où es-tu? Casanova, Casanova, viens. Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, où es-tu? Cicci, où es-tu? Cicci, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, viens, viens. Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, que fais-tu? Cicci, que fais-tu? Cicci, Casanova, mini cicci, Casanova, mini cicci, viens, viens. Je sais que ton cœur chaque nuit, chaque sans fin, je sais que tu brises le nom des amours dans tes mains. Casanova, Casanova, où es-tu? Où es-tu? Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, viens. Où es-tu? Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Elle s'appelle le titre Célestine et le titre de la chanson et c'est chanté par Fanandel. J'ai connu des femmes par le monde dont je me lassais bientôt. Des jaunes, des blanches à la bouche ronde, des négresses à plateau. Mais il y en a une que je préfère à cause d'un tout petit rien. Je n'en ferai pas un mystère, c'est dans son regard que ça se tient. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, Célestine. Aussi elle flatte mon orgueil, Célestine, Célestine. Lorsqu'au restaurant, elle boit des vins fins, on croit qu'elle lorgne les voisins. Elle louche une poulet demi-deuil, elle a une coquetterie dans l'œil. J'ai connu de vraies ensorceleuses, même des vampires secs sa pile. Des chaudes, des froides, des vaporeuses, qui abusaient de leur cils. Mais le regard de ma Célestine me les fit railler d'entrée. Car le secret de sa rétine a pour moi vraiment bien plus d'attrait. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, Célestine. Aussi elle flatte mon orgueil, Célestine, Célestine. Quand on croit qu'elle va dire bonjour à Germain, c'est à Paul qu'elle tend la main. Elle louche sur leur portefeuille, elle a une coquetterie dans l'œil. J'ai connu des femmes excentriques qui aiment le genre agressif, dont d'autres préfèrent les trucs acrobatiques. Je trouve que c'est excessif. De ce côté-là, ma Célestine a un genre très personnel. Et pour moi, ça se devine. Son petit rien ne manque pas de sel. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, Célestine. Et c'est ce qui flatte mon orgueil, Célestine, Célestine. Quand on parle d'amour, les yeux bien dans les yeux, j'ai le vertige, c'est curieux. Elle louche de l'armoire au fauteuil, elle a une coquetterie dans l'œil. D'amour, les yeux bien dans les yeux, j'ai le vertige, c'est curieux. Elle louche de l'armoire au fauteuil, elle a une coquetterie dans l'œil. La chansonnette, il m'entend. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet du tort, car tous les transistors soudain s'arrêtent. Sous le ciel de Paris, un accordéon joue la chanson de maquis comme avant le néon. Cueilli par un flonflon, un tétard en blouson, d'un fronde violette va fleurir sa bardeau, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît la chansonnette. Il a fait sa moisson de refrains de Paris, les forains, l'Orphéon, la chanson de maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Il faut du temps, c'est vrai, pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. Et puis donc, je vous laisse avec un morceau de musique, avec un mélange, avec trois musiques différentes, avec la guitare, l'accordéon et le flûte. Oui, la flûte. Et donc, c'est mélangé avec tout cela de flamenco. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Exposants, commerçants, artisans, donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletters, affichage, radio, vidéo, photos pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Le Colette Chevron, le titre Ping-Pong. Elle est amoureuse d'un monsieur qui conduit une belle voiture rouge, Ping-Pong, Ping-Pong. Il a sur la tête un chapeau en argent et quand il passe, on se range, Ping-Pong, Ping-Pong. Elle l'a connu dans la rue un beau jour que l'incendie faisait rage, Ping-Pong, Ping-Pong. Et depuis ce temps palpitant tout le temps, un violent amour la ronge, Ping-Pong, Ping-Pong. Elle le suit dans la grande rue de son village pour lui offrir les mille fleurs de son corsage. Chaque fois qu'il s'arrête un moment dans un coin, la température augmente, Ping-Pong, Ping-Pong. Tout autour de lui, il y a des flammes qui s'élèvent et de la fumée qui monte, Ping-Pong, Ping-Pong. Et puis des femmes nues qui s'élancent dans ses bras avec une joie démente, Ping-Pong, Ping-Pong. On résiste pas à ce type-là, on peut pas, on dirait qu'il vous aimante, Ping-Pong, Ping-Pong. Un beau dimanche, il l'a emmené dans sa voiture à la campagne, histoire d'être seule dans la nature. Elle a constaté le parfait fonctionnement de toute la mécanique, Ping-Pong, Ping-Pong. Les cuivres brillaient, le moteur ronronnait, c'était un moment magique, Ping-Pong, Ping-Pong. Et puis vers le soir, tous les deux sont montés si haut sur la grande échelle, Ping-Pong, Ping-Pong, que derrière un nuage, ils se sont égarés. C'était le septième ciel, Ping-Pong, Ping-Pong. Et voici Mireille Plonsard avec son titre « Tous nos rêves bleus ». Espoir de vous revoir. garçons les aveux. Deux amoureux, beau songe d'un soir, trop éphémère. En nous est l'espoir de vous revoir. Comme en un ciel lointain, repasse des ombres. Son duo, les frères Jacques, le titre Il fait beau. Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Fantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent aux chambres faciales, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, il fait beau. Et tout Paris bientôt fredonne obstinément, ce refrain de trois mots monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons. On a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud, les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus, tant de choses à toucher. Il fait chaud, il fait chaud. Fait monter de la bière. Il fait chaud, faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud, il a trouvé sa femme seule avec un monsieur. À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux. Il fait chaud, Gaston restait sans voix. Sa femme ne disait rien. Alors l'autre type a dit, il y a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud, il fait chaud. Vous croyez, dit Gaston, je peux vous l'affirmer. Gaston s'est dévêtu et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction. Il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris une partie de saute moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il fait doux. Il n'a pas de temps à perdre, s'il veut être plus demain, on compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Fontaine. Ça nous plaira bien. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel Contactez le 02 38 43 48 00. Voici Georges Brassens, La chasse aux papillons. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons. Et bras dessous vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, ils feront bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons. Elle s'appelle Yvette Giraud, son titre Le Saint Bonheur. Par un beau matin du mois de mai, on vit danser Monsieur Muguet au bras d'une paire manche bleue. Il dansait avec les fleurs des champs, il s'embrassait à cœur content comme le font les gens heureux. Et tant pis pour toi si tu n'y crois pas. Et tant pis pour toi, tu n'iras pas à la danse de la Saint-Bonheur qui commence et qui fait battre les cœurs. Tourne, tourne, tourne le moulin. C'est la Saint-Bonheur, tape, tape, tape dans tes mains. En ce jour un peu miraculeux, un musicien vêtu de bleu a fait danser les champs de blé. Et le vagabond qui s'y cachait trouva du pain dans un bouquet et de l'argent dans ses souliers. Et tant pis pour toi si tu n'y crois pas. Et tant pis pour toi, comme me racontait ma mère, c'est un rêve qui vient d'éclater sur la terre et chacun le répéter. Tourne, tourne, tourne le moulin. C'est la Saint-Bonheur, tape, tape, tape dans tes mains. que le soleil dansa le vent des plaines sans mêla, faisant chanter les peupliers. Et l'on vit danser le méchant loup et le gendarme et le filou, danser le grain dans les greniers. Danse, danse les maisons, mes amis dansons. On embrasse les moissons, on embrasse les étoiles. Et le ciel d'un formidable coup de cymbales vient d'ouvrir le bal d'amour. Tourne, tourne, tourne le moulin. C'est la Saint-Bonheur. Donne, donne, donne-moi. Daniel Dargueux, premier rendez-vous. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. je vous laisse avec Henri Jeunesse. Henri Jeunesse avec Tartina de Burgos. Ça, c'est pas une histoire parisienne. Tango, tango, canta, canta mi pena. Canta l'histoire d'un trahison que ça m'a brisé mi corazón. J'aimais une belle fille de l'Argentine qu'elle possédait une voix cristallina, avait aussi la poitrine agressiva, avait en plus une famille excessiva. Lo padre, la madre e due chiquitinas, gran padre, gran madre, un'arme de cousinas. Io solo trabaja perché fa solanos avec los amigos e la tantina de Burgos. Nous vivions dans un ranch a 10 o 12. Oui, mais elle n'aimait pas la cambruse. J'avais beau jouer du bandoneon, ça manquait d'éclairage au néon. Un beau jour, elle quitta les domiciles, emportant mes derniers billets de mille, en me disant que j'avais de la veine, car elle laissait pour consoler ma peine. Lo padre, la madre, le due chiquitinas, gran padre, gran madre, un'arme de cousinas, un oncle, sa fama, venu de Sarragos, avec lor catregos, e la tantina de Burgos. Tango, tango, canta, canta mi pena. Io plore, plore come una balena, che s'attrampe mon bandoneon. Ça mouillait toutes les partitions, mais l'amour m'a ramené l'infidèle. Pas toute seule, elle a mené derrière elle trois muchachos qu'elle avait tous en ville. On s'est retrouvés complets à domicile. Lo padre, la madre, le due chiquitinas, gran padre, gran madre, l'armada de cousinas, e l'oncle, la fama, avec lor catregos, trois nuevos muchachos. En manca uno, recapitulación. Lo padre, la madre, le chiquitinas, en aduce, sí, gran padre, gran madre, e le cousinas, e l'oncle, la fama, e le catregos. Trois nouveaux muchachos, j'y suis, c'est la tantina de Burgos. Et je vous laisse avec André Claveau, son titre de Petit Chausson. Cette terre, c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les grands. De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, tournait, tournait, tournait, tournait, toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. De petits chaussons par-dessus

me, don't ever take it slow. I'm not a young girl, but my real name is there. He don't ever take it slow. Well, not a York car is Beetle, but my real name is Mister. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2 Arc-en-Ciel. bistrot des trois capitaines, la patronne est napolitaine et l'homme est péruvien. En Pologne naquit la bonne, le pianiste vient de Lisbonne. Pourtant, je vous préviens, voilà surtout pourquoi l'on vient. La danseuse est créole et dessine en ses pas sa robe tournée folle au tambour de la rumba. Sa taille se renverse, se relève aussitôt. On dirait une liane que perce un souffle de vent chaud. Son petit pied se pose ici, son petit pied se pose là comme un furet qui passe et court. C'est un sourire à celui-ci, c'est un clin d'œil à celui-là. Vous êtes pris à votre tour. La danseuse est créole. Oui, mais on ne sait pas si la belle est fidèle ou frivole et pour qui son cœur bat. Son public est un vrai mélange de marins aux regards étranges et de mauvais garçons. Quand parfois la bagarre éclate, quand soudain les clients se battent, on dit c'est la boisson. Mais on sait bien l'autre raison. La danseuse est créole et dessine en ses pas sa robe tournée folle au tempo de la rumba. Sa taille se renverse, se relève aussitôt. On dirait une liane que berce un souffle de vent chaud. Son petit pied se pose ici, son petit pied se pose là comme un furet qui passe et court. C'est un sourire à celui-ci, c'est un clin d'œil à celui-là. Vous êtes pris à votre tour. Croyez-moi sur parole, au lieu d'entrer demain et par où la danseuse est créole, passez votre chemin. J'ai connu des femmes par le monde dont je me lassais bientôt. Des jaunes, des blanches à la bouche ronde, des négresses à plateau. Mais il y en a une que je préfère à cause d'un tout petit rien. Je n'en ferai pas un mystère, c'est dans son regard que ça se tient. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, Célestine. Aussi elle flatte mon orgueil, Célestine, Célestine. Lorsqu'au restaurant, elle boit des vins fins, on croit qu'elle lorgne les voisins. Elle louche une poulet demi-deuil, elle a une coquetterie dans l'œil. J'ai connu de vraies ensorceleuses, même des vents très secs à pile. Des chaudes, des froides, des vaporeuses, qui abusaient de leurs cils. Mais le regard de ma Célestine me les fit railler d'un trait. Car le secret de sa rétine a pour moi vraiment bien plus d'attrait. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, Célestine. Aussi elle flatte mon orgueil, Célestine, Célestine. Quand quand on croit qu'elle va dire bonjour à Germain, c'est à Paul qu'elle tend la main. Elle louche sur leur portefeuille, elle a une coquetterie dans l'œil. J'ai connu des femmes excentriques qui aiment le genre agressif. D'autres préfèrent les trucs acrobatiques, je trouve que c'est excessif. De ce côté-là, ma Célestine a un genre très personnel. Et pour moi, ça se devine, son petit rien ne manque pas de sel. Elle a une coquetterie dans l'œil, Célestine, et c'est ce qui flatte mon orgueil. Célestine, quand on parle d'amour, les yeux bien dans les yeux, j'ai le vertige, c'est curieux. Elle louche de l'armoire au fauteuil, elle a une coquetterie dans l'œil. On parle d'amour, les yeux bien dans les yeux, j'ai le vertige, c'est curieux. Elle louche de l'armoire au fauteuil, elle a une coquetterie dans l'œil. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel, 96.2 Arc-en-Ciel. Et donc, avec les chansons, il y a un petit souci. Bon, voici les chansons et Patachou, son titre La Chose. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui ne pensent à rien parce que c'est fatigant. Il y a ceux qui font la chose en se demandant pourquoi et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Ceux qui pendant la chose se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir décatuplé. Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon. Il y a ceux qui font la chose, toujours un peu distant, parce que c'est le seul moyen pour avoir des enfants. Ceux qui pendent la chose poussent des cris violents, pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Il y a ceux qui font la chose, sans passion ni désir, parce que c'est le seul truc qui fasse vraiment maigrir. Il y a ceux qui font la chose pour battre des records, tous ceux dont les appâts ne sont qu'un livre d'or. Il y a ceux qui font la chose avec des accessoires, qui ont besoin d'une trompette ou bien d'une balançoire. Ceux qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demandent si la chose va bientôt commencer. Il y a ceux qui font la chose, pas pour la sensation, une seule fois dans l'année pour les allocations. Ils ont l'œil triste, le cou tendu, les ratés de la bagatelle. Ils font la chose en par-dessus, les ratés du fruit défendu, car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aime pas ceux à qui la chose fait du bien. Il s'appelle Lady Constantine avec son titre Petite Jolie. petite, si jolie, ne crois jamais à moi. J'aime bien trop la vie pour ne penser qu'à toi. Je suis un égoïste, j'ai des rêves d'enfant. Si j'ai le cœur artiste, je n'ai aucun talent. Je ne ferai jamais, jamais rien de bien. Je ne serai ni quelque chose, ni quelqu'un. Laisse-moi m'en aller petit, il en est encore temps. Va, tu m'oublieras vite, l'amour ça n'a qu'un temps. Déjà lorsque j'étais enfant, je rêvais toujours de voyage. Et pour ne pas perdre de temps, je suis parti bien avant l'âge. Et si j'ai fait pleurer ma mère, que Dieu m'épargne sa colère. Petite, si jolie, avec tes yeux d'enfant, tu bouleverses ma vie et me donnes des tourments. Je suis un égoïste, j'ai des rêves d'enfant. Si j'ai le cœur artiste, je n'ai aucun talent. Je ne ferai jamais, jamais rien de bien. Ne serai ni quelque chose, ni quelqu'un. Voilà, jolie petite, il ne faut pas pleurer. Le chagrin va si vite, laisse-moi m'en aller. Adieu, petite, si écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Il s'appelle Charles Trenet et son titre À la porte du garage. Environ des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville. Dans une superbe Panhard et le Vasseur qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vin, je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de l'Arbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduirons peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là. L'époux, voilà, hélas, ne revint pas si tôt, escaboté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris, Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans. Et puis un soir, tout repentant, Il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait au de bon vieux. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète, et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Et elle s'appelle Rose Avril, sa chanson s'appelle « Laissez croire au bonheur ». Oh! Et avant de continuer les chansons, voici la programmation pour ce soir et demain. Donc ce soir, vous allez retrouver à partir de 17h-19h avec Manuel Découverte et puis juste après avec Albino Pinka entre 19h-22h. Et demain, seront samedi entre 9h jusqu'à midi avec Christine Portugal Nucorésien. Et puis pour le dimanche matin entre 8h et 10h avec Antonio, suivi de 10h, 12h30, c'est à vous de faire l'émission entre 10h et 12h30 avec Lionel et Jérôme. Et puis juste après, vous pouvez me retrouver à partir de 12h30 jusqu'à 16h avec l'accordéon musette. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Exposants, commerçants, artisans, donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanale, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photos pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comète, c'est faire grandir votre activité. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Lynn Renaud, elle est son titre Court, court, regarde et vous vois. Oh, voici donc Frank Sinatra, My Way, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. fête. C'est la danse de nos aînés, c'est la danse de l'amitié, c'est la danse qui vient de courser. Tous vous allez lever vos mains et puis faire soin de soin. Tous vous allez avec vos poings les montrer bien loin. Vous allez respirer fort, allez oui encore. Allez chanter sans remords et chanter plus fort. Finir. Noël, mes parents m'ont offert un accordéon. Il était en carton, il avait des boutons, il était rouge comme un bonbon. Après Noël, la neige, j'ai appris le solfège avec un prof d'accordéon. J'ai travaillé à fond la musique, les chansons, j'ai étudié les méthodes pour l'accordéon. Depuis tout petit, je suis tombé dans l'accordéon. J'ai un hobby, j'ai une passion, c'est l'accordéon. Depuis ce jour, je joue toujours de l'accordéon. J'ai un dada, un violon dingue, c'est l'accordéon. Je me souviens très bien, à 12 ans, tous mes copains allaient tous jouer au ballon. Et pendant ce temps-là, je travaillais chez moi mes leçons pour l'accordéon. À 15 ans, le dimanche, je montais sur les planches dans tous les bals de la région. Les gens m'applaudissaient, ils dansaient, ils disaient « Ce garçon-là, un jour deviendra un champion. » Depuis tout petit, je suis tombé dans l'accordéon. J'ai un hobby, j'ai une passion, c'est l'accordéon. Depuis ce jour, je joue toujours de l'accordéon. J'ai un dada, un violon dingue, c'est l'accordéon. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici, il s'appelle Georges Hulmer, son titre « Il n'y a pas que vous pour faire ça ». Alors madame, je dis tout, non ? Mais puisque je ne dis pas votre nom... Alors ça va, je peux y aller. Alors je pars, bon. Quand vous arrangez votre jartelle ou une maille qui file à votre bas, quand vous frissez vos cheveux rebelles, il n'y a que vous pour faire ça. En cuisinant, c'est un poème. Quand vous mettez un doigt dans le plat pour lécher la sauce ou la crème, il n'y a que vous pour faire ça. Quand vous tapez à la machine ou quand vos ongles une fois finis vous agitez vos deux mains fines pour en faire sécher le vernis, le soir en ôtant votre épierre, quand vous soupirez tout d'un coup en vous frictionnant de cette manière, ah. Pour faire ça, il n'y a que vous. À l'autobus, vous êtes dernière, mais devant les gens qui sont là, vous dites pardon, prioritaire, hein? Y a que vous pour faire ça. Et or, quand un homme vous agace, afin de voir s'il suit vos pas, comme viseur vous sortez votre lasse, y a que vous pour faire ça. Quand sur vos yeux brillants de fièvre vous sèche le rimmel qui coule, quand pour vous mettre du rouge aux lèvres vous faites la bouche en chose de poule. Quand vous arrivez plein d'essence, mais en retard au rendez-vous, en disant, je crois que votre montre avance. Hmm? Pour faire ça, y a que vous. Quand parfois je vous téléphone, chez vous si quelqu'un se trouve là, vous dites, allô, c'est toi Simone. Y a que vous pour faire ça. À table quand vous êtes ma voisine, soudain Dieu s'en va dans le repas. Un pied ou une jambe qui me taquine, y'a que vous pour faire ça. Si je vous vois dans une soirée, jouant l'air surprise avec art, vous faites aussitôt l'étonner. Tiens, bonjour mon cher, oh mais quel hasard. Même si votre mari nous épille, En dansant, vous me dites tout d'un coup. Viens chez toi, à Saint-Gaudry, chérie. Pour faire ça, il n'y a que vous. Pour faire ça, il n'y a que vous. Voici donc qui s'appelle Michel Arnaud et son titre Où va la chance ? Je vois des villes dont les maisons un jour sous la guerre ont coulé sans raison. Et je me dis souvent quand je m'endors dans tes bras, chance à toi, à moi. Et le titre s'appelle avec Cora Vauquer, Nom des rues. J'ai changé les noms de toutes les rues, j'ai donné le nom de mon histoire. Rue du 3 juillet, c'est là qu'on s'est vu. Premier jour, toujours dans ma mémoire. La rue du premier rendez-vous mène à la rue des rêves tendres. Et la rue qui est juste au bout, c'est la rue où j'allais t'attendre. Et voici plus loin la rue des aveux et la rue du 31 décembre qui devint bientôt pour deux amoureux la rue de la petite chambre. Mais le bonheur n'est pas fidèle, il s'en va comme il est venu. Ma belle histoire était trop belle, en un moment j'ai tout perdu. Et tout d'un coup dans cette ville, j'ai

Jean-Claude Darnal avec son titre « Dites-moi, monsieur ». Il y avait un jour un magicien qui rencontra sur son chemin un petit garçon comme il y en a tant, le nez en l'air et les cheveux devant. Le magicien lui dit, mon gars, tout ce que tu veux tu l'auras, réfléchis bien avant de choisir ce qui te ferait le plus plaisir. Et le gamin lui répondit, oh monsieur, oh monsieur, dites-moi monsieur, faites que je sois un oiseau avec des ailes pour m'envoler là-haut. Un bel oiseau planant avec des plumes, des pattes et même un bec, dans la couleur et la douceur d'un arc-en-ciel. Oh, dites-moi monsieur, faites que je sois un oiseau pour voir le monde pas plus gros qu'un pruneau, pour m'endormir sur un nuage, entendre le soleil au passage, dire qu'il n'a jamais vu un aussi bel oiseau. Dites-moi monsieur, faites que je sois un oiseau. Le magicien lui dit, mon gars, si c'est ce que tu veux, tu l'auras. Faut pas parler pour ne rien dire, réfléchis bien avant de choisir. Ne voudrais-tu pas des trésors, être très riche, être très fort? Ne voudrais-tu pas tout avoir? Ne voudrais-tu pas tout savoir? Et le gamin lui répondit, oh monsieur, oh monsieur, oh oh monsieur, dites-moi monsieur, faites que je sois un oiseau avec des ailes pour m'envoler là-haut. Un bel oiseau planant avec des plumes, des pattes et même un bec, dans la couleur et la douceur d'un arc-en-ciel. Oh, dites-moi monsieur, faites que je sois un oiseau. C'est ainsi que dans le ciel là-haut, depuis quelque temps il y a un nouvel oiseau. Vous dire ce qu'il est devenu, vous dire si ça lui a plu, je ne sais pas car jamais plus je ne l'ai vu. Ce que je sais, c'est que moi j'ai, tout comme lui, envie d'aller au paradis, très très loin d'ici. Et elle s'appelle Martine Beaujou avec le titre Monsieur Charlie Chaplin. Chapeau melon, votre veste étriquée et votre pantalon trop long, vos grands souliers troués. Où êtes-vous passé, vous le plus grand de tous les temps? Me faites rire toujours autant qu'autant de mes 10 ans. Avec votre canon roseau, la moustache carrée le plus beau des grands jeunes premiers. Expliquez-moi pourquoi, quand au public vous donniez tant d'humanité, tant de joie, souvent vous me faisiez pleurer. Monsieur Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlot pour les intimes, milliers d'intimes, millions d'intimes, mais revenez vite sur les écrans, vous le génie. Vous me faites rire toujours autant qu'autant de mes 10 ans, autant qu'autant de mes 10 ans. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et elle s'appelle Anne Sylvestre, 12 maisons. C'est une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. j'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois. Je vous laisse avec Roland Gerbeau, son titre Le Manège, au souvenir. On revient toujours aux chansons d'amour. Les chansons, c'est le manège aux souvenirs. Si j'oublie parfois de penser à toi, la chanson n'oublie jamais de revenir. On s'est tout donné, ne m'en veux pas si j'ai gardé quelques mots sur quelques notes au coin du cœur. Ça fait toujours quelque chose d'écouter la vie en rose quand on s'aime autant que nous. Si tu crois toujours aux chansons d'amour, viens demain sur le manège aux souvenirs. On y voit danser, on entend chanter nos printemps qui n'attendaient jamais l'avril. Tourbillon de cœur, noyé sous une pluie de fleurs, tout un monde qu'on appelle le bonheur. Ah, que la vie sera belle, si longtemps qu'au fil des jours tourne et tournera l'amour. Ça fait toujours quelque chose d'écouter la vie en rose quand on s'aime autant que Ferra et le titre Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, voir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle, je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison. Par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Cette chanson de Georgette Plana, on la connaît tous avec Lia des Fruits. Quand Bébert veut sortir sa Margot, il va pas dans les chics caboulots, pour qu'on se mette tout autour du garrot une serviette. Il aime pas les couverts de métal, les beaux verres taillés dans du cristal. Il vous dit comme un roi, moi je bouffe avec les doigts, viens poisser à la graisse de chevaux de bois. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'enfile des litres. Le grand bleu, ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Totor, gueulant or, ma tante et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, il y a des frites. Il connaît un petit coin près de Saint-Cloud, où le patron vous pêche près d'un égout. Une friture de goujon pour 100 sous, qu'est pépère. Dans le parfum d'une usine à trottin, on y sert de la moule et du gros pain. Bébert vous le dira, à ce que c'est chouette tout ça, bien servi sur un beau papier gras. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'enfile des litres. Le grand bleu, ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Totor, gueule en or, ma tonton et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, il y a des frites. Dire qu'il y en a qui ont des maux d'estomac, qui peuvent pas boire ceci, manger ça, quand ils ont servi dessus un plat des bonnes choses. Ils font rire tous ces pleins du gousset, le môme Bébert qui s'en met plein le cornet, en disant, mes amis, mieux qu'une cure à Vichy, allez donc pour avoir de l'appétit. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'enfile des litres. Le grand bleu, ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Totor, gueule en or, ma tonton et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, il y a des frites. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse avec Colette Renard, le titre « Cinq casquettes ». C'était un gosse au cœur charmant, on l'appelait le sans-famille, bien trop sérieux pour ses 10 ans, il ne jouait jamais aux billes, et des autres on le distinguait à la casquette qu'il portait. La casquette un peu de côté, on le voyait se balader, ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Ses copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer, est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette? Quand des gars au regard mauvais s'approchaient un petit peu trop près, fallait voir comme il défendait sa casquette. Tout comme un autre, il eut 20 ans. Il s'est pris d'une jolie fille, ça faisait un couple charmant, mais il comptait sans la famille. À la fille, le père a dit non, tu n'épouseras pas ce garçon. Je ne veux pas dans ma maison ce va-nu-pied, ce polisson, avec un pin sur la tête, sa casquette. On a beau être un bon garçon, les bourgeois ont leur opinion, il n'y a pas de bas honnête en casquette. Ce soir-là, il se dit adieu, cœur serré, il est larmes aux yeux, mais il a gardé sur sa tête sa casquette. Dans la vie, apporte des chagrins, et c'est pour ça qu'un beau matin, une fille lui a dit, j'ai le béguin, ta casquette. Comme cette fille-là se moquait bien, qui souhaite pas si ou de pantin, il fit avec elle un petit brin de Cosette. Quand il vit qu'il avait trouvé la petite mot qu'on laisse pas passer, pour l'embrasser, il a retiré sa casquette. Sa casquette. Voici, elle s'appelle Davia, son titre La Rose Tendre. Premier pas, on ne sait. Voilà donc, je vous laisse avec deux morceaux de rétro. Dusty photo in a drawer. It tells a tale of days of yore. When laughter echoed through the hall and time felt endless, standing tall. The beauty of before still lingers near, a faded whisper I can almost hear, the scent of summer's lost in time's embrace. The beauty of before, it leaves its trace. Crackling fire, a midnight song, the feeling that we all belong. The stars were closer, skies were wide, and dreams would never run and hide. The beauty of before still lingers near, a faded whisper I can almost hear, the scent of summer's lost in time's embrace. The beauty of before, it leaves its trace. But now the clock, it spins so fast, we hold the shadows of the past. Yet in my heart it stays the same, the beauty of before, it calls my name. The beauty of la cuisine de cette femme du restaurant. Hey! Le monde a rendez-vous à Montréal, sur l'île de l'amour et de la joie, la ville où chacun trouve son étoile. À Montréal, on est toujours chez soi. Du métro, vous lirez son histoire. histoire sur tous les monuments. Je verrai sa montagne, ses lumières et ses badauds, en appréciant la cuisine de ses fameux restaurants. Hey, le monde a rendez-vous à Montréal, sur l'île de l'amour et de la joie, la ville où chaque trouve son étoile. À Montréal, on est toujours chez soi. À Montréal, on est toujours chez soi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. D'ici 15 minutes, il sera 5h, et bien ce sera l'heure de retrouver Manu pour son émission. Pour nous, on va se quitter pas tard. Et bien si on se retrouvera donc vendredi prochain, puis ainsi on se retrouve dimanche à partir de 12h30 jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon. Pour l'instant, on va se quitter avec un morceau de Boogie Woogie, et puis juste après, quelques morceaux de l'accordéon. Et puis c'est pour ça qu'on va se quitter. Voilà donc, et bien on se retrouve donc vendredi prochain et dimanche. Bonsoir. The piano shining bright, her fingers loose and ready, there's a rhythm in the night. She takes a seat, the room begins to sway, the beat kicks in and the floor gives way. She smiles with style, she sings so sweet, her voice cuts clear, the crowd's on its feet. Boogie woogie, she's the queen, the keys are shaking, nobody stays clean. Boogie woogie, she knocks it out. Her fingers fly and the keys just shout. Rock and roll step, her heels go click. The rhythm rolls on, the groove is slick. She shines so bright, she knows her sound. No note too soft, she shakes the ground. No plan, just flow. The beat is king, the rest, let it go.

nas estrelas, vive em terra.